Chapitre 10e, Cholon, le palais hospitalier de Doc Fu, Haïlaï Fanamit. Cholon est la grande ville commerçante de la Cochinchine. C'est une cité toute asiatique, presque un faubourg de Saïgon, la capitale européanisée. En une demi-heure à peine, on fait le voyage Saïgon-Cholon. On a pour cette promenade facile et intéressante le choix des moyens de locomotion. Et d'abord, un chemin de fer traverse tout droit la plaine des tombeaux, vaste campagne déserte, semée de mausolées superbes ou de modestes tombes. C'est le cimetière annamite, vaste, sans clôture, sans limite, sans culture d'aucune sorte, sans arbres et presque sans verdure. C'est le grand champ du repos final des bouddhistes, du nirvana. En second lieu, on peut gagner Cholon par la route de l'Arroyo chinois, où circule, rapide et léger, un petit tramway de Coville à bois étroite, le même précisément qu'eut tant de succès à l'exposition de 1889 et qui a été lestement transporté et installé ici au grand plaisir des Asiatiques devenus d'excellents clients. Le tramway passe à toute vapeur au milieu d'une grande affluence de population chinoise pour la majeure partie. D'un côté de la route, on domine l'Arroyo surchargé de joncs énormes aux flancs gorgés de riz qu'une douzaine de Chinois perchés sur la toiture de chaque barque active à l'aide d'une longue rame à laquelle tous travaillent. De l'autre côté, on suit la longue théorie des maisons chinoises en briques ou en paillote. Au bord de la route, de larges marchés couverts abritent chaque matin la foule bruyante des ménagères annamites et chinoises. Parfois, une pagode élève son architecture découpée un peu au-dessus des cases ordinaires et attire l'attention par un bruyant tam-tam. Après les longs détours de l'Arroyo, on arrive à l'agglomération proprement dite. C'est Cholon, avec ses rues irrégulières, bordées des étalages les plus disparates de marchands et de restaurateurs ambulants. Là, plus rien d'européen. Les marchandises ne rappellent aucun produit qui nous soit familier. On est bien en Chine. Cholon est en effet une ville absorbée presque en totalité par 60 000 Chinois. Tout le commerce est entre les mains des célestes, les fêtes sont celles de la Chine, le théâtre est chinois encore. Les Chinois vivent beaucoup au cercle. Leurs cercles n'ont sans doute que de lointains rapports de confort avec le jockey ou les patins. Mais encore, y est-on parfaitement traité quand on a la rare fortune d'y être accueilli. En effet, si l'on a des relations dans le grand monde chinois, ce n'est pas toujours facile. On passe gaiement le temps à Cholon. Tout à la chinoise, y compris le dîner, qui n'est pas des moins curieux. La soirée se continue au théâtre, où les spectateurs de choix ont le droit, très recherché, de pénétrer dans le foyer des artistes. Là, tout un monde de figurants travaille leur tête au pinceau et cherche à se donner les airs les plus terribles. Dans des loges spéciales, les premiers sujets se maquillent devant ces minuscules miroirs incrustés de nacre qui font l'ornement de nos étagères européennes. Ils prennent les onguents et les couleurs fines dans les petits tiroirs de ces gentils meubles laqués dont nos fillettes font des armoires de poupées et plus tard des boîtes à bijoux. En Chine, les femmes ne paraissent pas sur la scène et les rôles féminins sont tenus par des hommes. En Cochinchine, il y a des accommodements et les rôles féminins sont remplis par d'assez agréables petites chinoises. La décoration de la salle de spectacle est très passable, les lustres éclairent à profusion et des tentures aux sujets aussi fantastiques que variés meublent les loges de galerie. Au rez-de-chaussée se trouvent des baignoires, munies de lits de camp et de tout l'accessoire d'une fumerie d'opium. Le fait de réunir dans un si petit compartiment l'attrait de la musique et les douceurs paradisiaques de l'opium est l'indice d'une civilisation qui ne fait certes pas ses débuts. J'avoue que je n'ai pu me rendre un compte exact du degré de progrès de la musique chinoise. Est-elle très en retard ou très en avance? Je ne sais. La mélodie, à la vérité, en est bien délicate à saisir, et l'harmonie a paru impossible à goûter à mes oreilles rebelles à ce tintamarre. Mais encore, Lohengrin et le Tannhäuser n'ont-ils pas longtemps été classés parmi les fantaisies d'un goût douteux? La salle est archi-pleine chaque soir et la représentation se prolonge fort tard dans la nuit pour continuer quelquefois pendant plusieurs soirées. Le spectacle consiste en d'interminables déclamations chantées, toujours accompagnées des trépignements et des grincements d'un nombreux orchestre de bizarres compositions. Le tam-tam, les cymbales, rivalisent avec les flageolets aigus et les fossés des artistes. Ces représentations épiques, très longues, très monotones, n'ont pour l'Européen qu'un attrait médiocre. Une des curiosités de Cholon, pourrait-on dire, S'il ne s'agissait d'un commandeur de notre Légion d'honneur, s'il vous plaît, est le Doc Fu Su. Un Doc Fu est le fonctionnaire annamite qui a l'administration indigène d'une grande ville ou d'une grande province. Ce mandarin du suprême bouton est chargé de l'administration de Cholon et de ses 100 000 habitants asiatiques sous la haute direction, bien entendu, de l'administrateur français. Ce Doc Fu, comme tous les dignitaires indigènes de Cochinchine, manifeste les meilleures intentions à l'égard de notre pays qui a maintenu la plupart des anciens privilèges des mandarins, tout en leur en accordant de nouveaux. Celui-là, cependant, est plus près de nous que les autres par le costume et par les manières. Je n'ose ajouter par la langue, car malgré la meilleure volonté du monde, il a grand peine à faire comprendre les paroles aimables qu'il a pour tous ses visiteurs. Dans une somptueuse demeure à l'allure toute européenne, il vit avec une nombreuse famille et une femme unique, une maîtresse-femme. Elle tient les clés du coffre, et certes, elle s'entend à merveille arrondir la cassette. En effet, Bouddha, en bon Dieu qui fait bien les choses, bénit les nombreuses familles, et le fou n'a pas moins de 14 enfants. Tandis que les grands-fils cherchent à acquérir à Paris les défauts qui manquent à leur race, et le dernier chic du jour, les filles et les tout-petits vivent complètement à la mode annamite et conservent avec piété les mœurs patriarcales. Chez les annamites, le respect du père est le commencement de la sagesse. Il faut voir comme tout ce monde, petit et grand, s'écarte sous le passage du chef de la famille. Pas de caresses, pas de genoux à papa, seulement le respect et un peu la crainte. Cela vaut-il mieux, ou plus mal, que notre méthode familière, chère au bon roi Henri? J'abandonne cette question aux spécialistes. C'est sans conteste chez le Doc Fu de Cholon qu'on mange le mieux à la mode annamite. Il tient beaucoup au renom de bonne cuisine que possède sa maison et offre à tous l'hospitalité de la table le plus aimablement du monde. Les convives, toujours en grand nombre, prennent place autour de la large table couverte d'une infinité de petits bols contenant les préparations les plus diverses. Chaque invité, armé de deux bâtons d'ivoire et d'une cuillère en porcelaine, a devant lui une petite assiette, un bol plein de riz et une tasse microscopique destinée à recevoir le choum-choum ou eau-de-vie de riz, la seule boisson dont on arrose de quelques gorgées le repas annamite. Les convives, sur l'invitation du maître de la maison, puisent au moyen des bâtonnets de la cuillère dans chacun des nombreux petits plats et tirent au hasard une bouchée de cochon morné, fin régal, quelques vers palmistes gris à point, etc. La soupe annamite, mélange verdâtre de jeunes pousses de bambou, de nids d'hirondelles et de tendons de rhinocéros, est à manger fort délicat. Toujours au moyen des baguettes, on dépose le morceau cueilli sur le bol de riz, et à l'aide de la petite cuillère, on arrose chaque bouchée avec du nyok nam, sorte d'huile extraite de poisson séché au soleil et qui a un goût très fin lorsqu'elle est fraîche, mais comme c'est rare. Dans les maisons moins bien tenues que celles de Fu, et elles sont nombreuses, le nyok nam est d'habitude affreusement rance et dégage une odeur fort désagréable qui n'est point pour un odorat européen un bon encouragement à le goûter. Lorsque la bouchée est ainsi préparée et arrosée, on porte le bol de riz aux lèvres et entre les deux bâtons, on introduit dans sa bouche le délicieux quartier en le faisant suivre à l'aide des baguettes d'ivoire de fortes poussées de riz. Les femmes ne sont pas admises à table. On fait une galante exception, faut-il bien vite ajouter, pour les européennes de qualité que le Doc Fu reçoit avec tous les principes de galanterie qu'il a recueillis pendant ses nombreux voyages en France. Et dans ces petites fêtes, le rôle de sa femme et de ses filles consiste uniquement à éventer les dîneurs avec de grands écrans et à prévenir les moindres désirs des hôtes de papa. Lorsque tout le monde s'est longtemps escrimé de son mieux avec ses bâtonnets, moins dangereux que notre fourchette et notre couteau, mais aussi moins commode, lorsqu'on a vanté l'excellence des mets, le parfum des assaisonnements et le velouté du choum-choum de derrière les fagots, ceux qui sont au fait des us annamites ont garde de laisser le moindre grain de riz et, prenant les baguettes placées en travers sur le bol, font au maître de la maison les tsin-tsin d'usage, sorte de salut de remerciement qui se pratique avec les deux mains. À ce moment, la bonne étiquette annamite veut que les invités témoignent par des sons gutturaux très bruyants que leur estomac est bouleversé d'aise. Il est inutile d'ajouter que les Européens ont toujours mieux aimé passer pour mal appris que manifester leur satisfaction dans un langage aussi barbare. Le repas annamite se termine par un grand bol de thé qui est le bienvenu. La table est alors dégarnie de tous les petits plats, le couvert est dressé à l'européenne, et l'on apporte un énorme chateaubriand aux pommes pour ceux que les délices de la table à Namit auraient peu séduits. Il faut bien avouer que si l'on vante moins le beefsteak, plus connu, on le goûte davantage, et le Bordeaux du meilleur cru fait oublier le choum-choum. Au dessert, c'est une avalanche des fruits les plus variés. Un privilège de l'hospitalière maison du Fou est qu'on y mange d'excellentes primeurs. La mangue et le mangoustan délicat, jusqu'à l'humble banane, fruit du pauvre, sont particulièrement choisis. Vient ensuite la longue série des pâtisseries anamites pour lesquelles les jeunes filles de la maison sont passées artistes. Il y a des friandises de toutes sortes, petits fours aux parfums exquis, fondants, baba, confitures, etc. La liste est fort longue et variée, et le champagne, qui chez le Fou est de toutes les fêtes, excite les têtes et égaye l'estomac. Le Dog Fou de Chelon ne borne pas ses magnificences à sa maison de ville. Il reçoit encore dans sa maison de campagne. C'est ainsi qu'il nomme le tombeau de ses ancêtres et le sien propre, auquel il fait hardiment travailler. Il est d'usage, en effet, de préparer dignement et de longue main sa couche éternelle. Elle a quelque chose de particulièrement grave, cette promenade dans ce beau parc, rempli d'une végétation ardente et d'arbres de toutes sortes, qui ont pris aux cendres accumulées d'une antique famille la puissance de leur tronc et leur éternelle verdure. Sans aucun ordre, çà et là, sous les fleurs ou debout au milieu de pelouses, gisent ou s'élèvent de vieilles pierres tombales rappelant une longue vénération et un culte de tout temps rendu au souvenir des aïeux. Le nom de maison de campagne n'est pas cependant une simple image. Dans ce vaste enclos, de larges habitations sont construites plutôt dans le but de donner des fêtes que pour y vivre à demeure. En effet, le lieu de repos des trépassés n'inspire point en général aux Asiatiques la respectueuse terreur que répandent nos cimetières. L'anniversaire d'une mort est une date de famille qu'on célèbre en grande pompe sans tristesse. À chaque solennité, 200 ou 300 parents ou amis viennent manger, boire, fumer l'opium et s'étourdir à la musique tintamaresque et grinçante des maestros du pays. Et le culte est d'autant plus agréable aux défunts que leur mémoire a été fêtée dans des agapes pentagruéliques où le choum-choum n'est point épargné.